Nakupenda na umbu ni amini, nachotaka nkuwa na we maishani. Kukweleza nilihise wezekani, kihofu kwamba labda ngeni piga chini. Sasa leo mina kupa uwazi, ufahamu na kupenda kichizi. Usiku mina kosa usingizi, kwani nikilala kuona ndana njozi. Don't be a chance with me, tu fais pas que ma vie. Je vais savoir tes envies pour que je sache qui t'es, baby. Ton visage hante mes nuits, tu fais partie de ma vie. Je vais savoir tes envies pour que je sache qui t'es, baby. Dia, all I need is you. Dia, I wanna be with you. Sina chochote maishani, mapenzi siyo tajiri mahela, farendo desturi na mila. Mapenzi ni kuelewa na kukubaliana, kuridhiana. Ton visage hante mes nuits, tu fais partie de ma vie. Je veux savoir tes envies